En Corée, les recherches scientifiques s'avèrent plus dynamiques. L'Académie des sciences nationales, le Centre agronomique, le Centre de sylviculture, sans parler de l'Université Kim Il-sung et de l'Université de technologie Kim Tae et d'autres grandes écoles, ont accompli de nombreux thèmes d'études nécessaires au développement de l'économie nationale. La cimenterie de Chunnery a conçu et introduit une quarantaine de nouveaux projets d'innovation technique, alors que les scientifiques, techniciens et travailleurs des usines, entreprises et fermes coopératives aussi concentrent des efforts à l'exploitation de nouveaux produits et espèces, d'une part, et d'autre part, introduisent des projets d'innovation technique permettant de donner une impulsion à la production et à la construction de leur unité, ce qui contribue à l'amélioration de la vie et de la santé de la population.